Chapitre 13. Après son départ, Perrine fut volontiers restée assise à sa table, comme si elle était là chez elle. Mais justement, elle n'était pas chez elle, puisque cette cour était réservée aux pensionnaires, non aux ouvriers qui n'avaient droit qu'à la petite cour du fond, où il n'y avait ni banc, ni chaise, ni table. Elle quitta donc son banc et s'en alla au hasard, d'un pas de flânerie, par les rues qui se présentaient devant elle. Mais si doucement qu'elle marcha, elle les eut bientôt parcourues toutes, et comme elle se sentait suivie par des regards curieux qui l'empêchaient de s'arrêter lorsqu'elle en avait envie, elle n'osa pas revenir sur ses pas et tourner indéfiniment dans le même cercle. En haut de la côte, à l'opposé des usines, elle avait aperçu un bois dont la masse verte se détachait sur le ciel. Là peut-être elle trouverait la solitude en cette journée du dimanche et pourrait s'asseoir sans que personne fît attention à elle. En effet, il était désert, comme désert aussi étaient les champs qui le bordaient, de sorte qu'à sa lisière elle put s'allonger librement sur la mousse, ayant devant elle la vallée et tout le village qui en occupait le centre. Quoiqu'elle le connût bien par ce que son père lui en avait raconté, elle s'était un peu perdue dans le dédale des rues tournantes. Mais maintenant qu'elle le dominait, elle le retrouvait tel qu'elle se le représentait en le décrivant à sa mère pendant leur longue route, et aussi tel qu'elle le voyait dans les hallucinations de la faim, comme une terre promise, en se demandant désespérément si elle pourrait jamais l'atteindre. Et voilà qu'elle y était arrivée, qu'elle l'avait étalée devant ses yeux, que du doigt elle pouvait mettre chaque rue, chaque maison à sa place précise. Quelle joie ! C'était vrai, ce Maraucourt dont elle avait tant de fois prononcé le nom comme une obsession, et que depuis son entrée en France, elle avait cherché sur les bâches des voitures qui passaient ou celles des wagons arrêtés dans les gares, comme si elle avait besoin de le voir pour y croire. Ce n'était plus le pays du rêve, extravagant, vague ou insaisissable, mais celui de la réalité. Droit devant elle, de l'autre côté du village, sur la pente opposée à celle où elle était assise, se dressaient les bâtiments de l'usine, et à la couleur de leur toit, elle pouvait suivre l'histoire de leur développement, comme si un habitant du pays la lui racontait. Au centre, et au bord de la rivière, une vieille construction en briques et en tuiles noircies que flanquait une haute et grêle cheminée rongée par le vent de mer, les pluies et la fumée, était l'ancienne filature de lin longtemps abandonnée que 35 ans auparavant le petit fabricant de toile, Vulfran Pindavoine, avait louée pour s'y ruiner, disaient les fortes têtes de la contrée, pleines de mépris pour sa folie. Mais au lieu de la ruine, la fortune était arrivée, petite d'abord, sou à sou, et bientôt million à million. Rapidement, autour de cette mère gigogne, les enfants avaient pullulé. Les aînés, mal bâtis, mal habillés, chétifs comme leur mère, ainsi qu'il arrive souvent à ceux qui ont souffert de la misère. Les autres, au contraire, et surtout les plus jeunes, superbes, forts, plus forts qu'il n'en ait besoin, parés avec des revêtements de décoration polychrome qui n'avaient rien du misérable ourdi de mortier ou d'argile des grands frères usés avant l'âge, semblaient avec leur ferme en fer et leur façade rosée ou blanche en briques vernies défier les fatigues du travail et des années. Alors que les premiers bâtiments se tassaient sur un terrain étroitement mesuré autour de la vieille fabrique, les nouveaux s'étaient largement espacés dans les prairies environnantes, reliés entre eux par des rails de chemin de fer, des arbres de transmission et tout un réseau de fils électriques qui couvraient l'usine entière d'un immense filet. Longtemps, elle resta perdue dans le dédale de ses rues, allant des puissantes cheminées hautes et larges aux paratonnerres qui hérissaient les toits, aux mâts électriques, aux wagons de chemin de fer, aux dépôts de charbon, tâchant de se représenter par l'imagination ce que pouvait être la vie de cette petite ville morte en ce moment, lorsque tout cela chauffait, fumait, marchait, tournait, ronflait avec ces bruits formidables qu'elle avait entendus dans la plaine Saint-Denis en quittant Paris. Puis ses yeux descendant au village, elle vit qu'il avait suivi le même développement que l'usine. Les vieux toits couverts de ces dômes en fleurs qui leur faisaient des chapes d'or s'étaient tassés autour de l'église. Les nouveaux, qui gardaient encore la teinte rouge de la tuile sortie depuis peu du four, s'étaient éparpillés dans la vallée au milieu des prairies et des arbres en suivant le cours de la rivière. Mais contrairement à ce qui se voyait dans l'usine, C'étaient les vieilles maisons qui faisaient bonne figure avec l'apparence de la solidité, et les neuves qui paraissaient misérables, comme si les paysans qui habitaient autrefois le village agricole de Maraucourt étaient alors plus à leur aise que ne l'étaient maintenant ceux de l'industrie. Parmi ces anciennes maisons, une dominait les autres par son importance et s'en distinguait encore par le jardin planté de grands arbres qui l'entouraient, descendant en deux terrasses garnies d'espaliers jusqu'à la rivière où il aboutissait à un lavoir. Celle-là, elle l'a reconnue. C'était celle que M. Vulfranc avait occupée en s'établissant à Maraucourt et qu'il n'avait quittée que pour habiter son château. Que d'heures son père enfant avait passé sous ce lavoir au jour des lessives et dont il avait gardé le souvenir pour avoir entendu là, dans le caquetage des lavandières, les longs récits des légendes du pays qu'il avait plus tard raconté à sa fille. La fée des tourbières, l'enlisage des Anglais, le levaroux d'Angeste, et 10 autres qu'elle se rappelait comme si elle les avait entendus la veille. Le soleil en tournant l'obligea à changer de place, mais elle n'eut que quelques pas à faire pour en trouver une valant celle qu'elle abandonnait, où l'herbe était aussi douce, aussi parfumée, avec une aussi belle vue sur le village et toute la vallée, si bien que jusqu'au soir, elle put rester là dans un état de béatitude tel qu'elle n'en avait pas goûté depuis longtemps. Certainement, elle n'était pas assez imprévoyante pour s'abandonner aux douceurs de son repos et s'imaginer que c'en était fini de ses épreuves. Parce qu'elle avait assuré le travail, le pain et le coucher, tout n'était pas dit, et ce qui lui restait à acquérir pour réaliser les espérances de sa mère paraissait si difficile qu'elle ne pouvait y penser qu'en tremblant. Mais enfin, c'était un si grand résultat que de se trouver dans ce Maraucourt où elle avait tant de chances contre elle pour n'arriver jamais, qu'elle devait maintenant ne désespérer de rien, si long que fût le temps à attendre, si dur que fussent les luttes à soutenir. Un toit sur la tête, 10 sous par jour, n'était-ce pas la fortune pour la misérable fille qui n'avait pour dormir que la grande route et pour manger rien autre chose que l'écorce des bouleaux? Il lui semblait qu'il serait sage de se tracer un plan de conduite en arrêtant ce qu'elle devait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, au milieu de la vie nouvelle qui allait commencer pour elle dès le lendemain. Mais cela présentait une telle difficulté dans l'ignorance de tout où elle se trouvait qu'elle comprit bientôt que c'était une tâche de beaucoup au-dessus de ses forces. Sa mère, si elle avait pu arriver à Maraucourt, aurait sans doute su ce qu'il convenait de faire, mais elle n'avait ni l'expérience, ni l'intelligence, ni la prudence, ni la finesse, ni aucune des qualités de cette pauvre mère, n'étant qu'une enfant sans personne pour la guider, sans appui, sans conseil. Cette pensée, et plus encore l'évocation de sa mère, amenèrent dans ses yeux un flot de larmes. Elle se mit alors à pleurer sans pouvoir se retenir, en répétant le mot que tant de fois elle avait dit depuis son départ du cimetière, comme s'il avait le pouvoir magique de la sauver. « Maman, chère maman !» De fait, ne l'avait-il pas secourue, fortifiée, relevée quand elle s'abandonnait dans l'accablement de la fatigue et du désespoir? Eût-elle soutenu la lutte jusqu'au bout si elle ne s'était pas répété les dernières paroles de la mourante? « Je te vois, oui, je te vois heureuse. » N'est-il pas vrai que ceux qui vont mourir et dont l'âme flotte déjà entre la terre et le ciel savent bien des choses mystérieuses qui ne se révèlent pas aux vivants? Cette crise, au lieu de l'affaiblir, lui fit du bien et elle en sortit le cœur plus fort d'espoir, exalté de confiance, s'imaginant que la brise qui de temps en temps passait dans l'air calme du soir apportait une caresse de sa mère sur ses joues mouillées et lui soufflait ses dernières paroles « Je te vois heureuse. » Et pourquoi non? Pourquoi sa mère ne serait-elle pas près d'elle, en ce moment, penchée sur elle comme son ange gardien? Alors l'idée lui vint de s'entretenir avec elle et de lui demander de répéter le pronostic qu'elle lui avait fait à Paris. Mais quel que fût son état d'exaltation, elle n'imagina pas qu'elle pouvait lui parler comme à une vivante, avec nos mots ordinaires. Pas plus qu'elle n'imagina que sa mère pouvait répondre avec ces mêmes mots, puisque les ombres ne parlent pas comme les vivants, bien qu'elles parlent, cela est certain, pour qui sait comprendre leur mystérieux langage. Assez longtemps, elle resta absorbée dans sa recherche, penchée sur cet insondable inconnu qui l'attirait en la troublant jusqu'à la folie. Puis machinalement ses yeux s'attachèrent sur un groupe de grandes marguerites qui dominaient de leurs larges corolles blanches l'herbe de la lisière dans laquelle elle était couchée. Et alors, se levant vivement, elle alla en cueillir quelques-unes qu'elle prit en fermant les yeux pour ne pas les choisir. Cela fait, elle revint à sa place et s'assit avec un recueillement grave. Puis, d'une main que l'émotion rendait tremblante, elle commença à effeuiller une corolle. « Je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait, pas du tout. Je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait, pas du tout. » Et ainsi de suite, scrupuleusement, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que quelques pétales. Combien ? Elle ne voulut pas les compter, car leur chiffre dit la réponse. Mais vivement, quoique son cœur fût terriblement serré, elle les effeuilla. « Je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait. » En même temps, un souffle tiède lui passa dans les cheveux et sur les lèvres, la réponse de sa mère dans un baiser le plus tendre qu'elle lui eût jamais donné.